بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par celle qui tire, puissante, par celle qui recueille, avec douceur, par celle qui vogue, légère, puis s'élance à toute vitesse et règle les affaires. Le jour où la terre tremblera, auquel le suivant succédera, des cœurs ce jour-là seront agités et les regards se baisseront. Ils disent, serons-nous vraiment renvoyés sur la terre quand nous serons haussement décharnés? Ils disent, ce sera alors un retour désastreux. Il n'y aura qu'une unique sonnerie. Et voilà qu'ils seront sur la terre, ressuscités. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. L'histoire de Moïse t'est-elle parvenue quand son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Toua? Rends-toi auprès de Pharaon, car il s'est certes rebellé. Et dis-lui, souhaites-tu te purifier? Je te guiderai vers ton Seigneur, afin que tu le craignes. Moïse fit alors voir à Pharaon un signe impressionnant, mais ce dernier n'y crut point et désobéit. Puis, tournant rapidement le dos, il alla rassembler ses gens et proclama « C'est moi votre Seigneur, le Très-Haut ». Alors Dieu le saisit et en fit un exemple pour l'au-delà comme pour le monde d'ici-bas. Certes, il y a en cela une leçon pour celui qui craint Dieu. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Seriez-vous plus difficile à créer que le ciel? C'est pourtant Dieu qui l'a construit. Puis il en a élevé bien haut la voûte et l'a parfaitement agencée. Il en a ensuite assombri la nuit et en a fait luire le jour. Par la suite, il a étendu la terre et en a fait jaillir son eau et pousser ses pâturages, et les montagnes, il les a fermement ancrées, Tout cela afin de pourvoir à vos besoins et à ceux de vos bestiaux. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Puis, quand viendra le grand cataclysme ? Le jour où l'homme se rappellera les efforts qu'il aura fournis, l'enfer sera pleinement visible à celui qui pourra voir, celui qui se sera rebellé et qui aura préféré la vie d'ici-bas. L'enfer sera son refuge. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme de ses mauvaises passions, il aura le jardin pour refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand viendra-t-elle? Comment pourrais-tu leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur, tandis que tu n'es là que pour avertir ceux qui la redoutent. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'être resté sur terre qu'une soirée ou une matinée tout au plus.